Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. Dans 6.3 FPP, c'est la jungle des luttes. Merci de nous écouter. On est en direct donc de 19h à 20h30 tous les 3e lundi du mois, retransmis le 4e jeudi du mois, le matin de 8h à 9h30. Donc vous pouvez également réécouter nos émissions sur le blog La jungle des luttes. Donc c'est les émissions de radio que l'on propose depuis déjà des années, proposées donc par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On parlera donc aujourd'hui de la CNT, de notamment avec Sophie qui a mené un combat, elle et ses collègues, contre la crèche People and Baby. C'est depuis, parce que là le combat ça a plus de 10 ans, les concernant. Depuis, on a beaucoup entendu parler de People and Baby parce que c'est vraiment une crèche privée, des crèches privées avec tout un tas d'escroqueries et puis même de la maltraitance du fait de la situation générée par la direction. Et donc, on sera avec Sophie qui nous parlera de ce long combat qu'elles ont mené et donc avec la CNT contre cette crèche et ce patron voyou, escroc. Et on parlera ensuite des apatistes, puisqu'on vous le disait à la dernière émission, on a fêté au mois de novembre les 40 ans de la formation de l'EZLN, l'armée apatiste de libération nationale. Et on fêtera le 1er janvier 2024 les 30 ans du soulèvement apatiste. Et donc c'est surtout 30 ans puisqu'ils sont encore là, surtout. Donc en fait c'est plus qu'un anniversaire, c'est aussi célébrer cette longue lutte, ce grand chemin qu'ils ont parcouru. Et pour ceux qui les connaissent, eh bien on voit encore combien ils sont capables de rebondir pour continuer, persévérer, et résister et mener cette rébellion le plus dignement possible. Et donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, là, ils sont en train d'écrire des textes déjà depuis le mois de novembre. Là, on est au 18e texte. Alors, parfois, il y a des petites vidéos, etc. Donc, ce n'est pas forcément des textes. Il n'y en a pas 18, ils ne sont pas tous de la même longueur. Mais en tous les cas, il y a du contenu et ça nous permet de rencontrer à nouveau les apatistes. Donc on reviendra justement sur cette histoire de 30 ans et surtout précisément sur les nouvelles propositions qu'ils font. Et sinon, prenez votre agenda, parce que si vous ne nous écoutez pas jusqu'au bout, je leur dirai à la fin, mais dès maintenant, mettez sur votre agenda le 12 janvier 1994, parce que c'était super important, c'est pour ça qu'on a choisi cette date du 12 janvier, ce sera 2024. Ce sera justement à l'occasion de ces 30 ans du soulèvement. On fera une petite soirée à la Airy à Montreuil. Il y aura une cantine, donc en soirée. Ce sera à partir de 18h l'ouverture des portes. Il y aura une expo, une discussion, un petit one-man show avec l'ours bipolaire. Et pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on fera aussi, en tous les cas, un petit point sur la situation. Ce sera l'occasion de nous rencontrer. Une cantine mexicaine. En général, c'est très très bon ce que nous prépare la compañera Lucia. Donc on devrait pouvoir se régaler, se retrouver. Donc le 12 janvier à l'Aéry à Montreuil. Et le 14 janvier, le dimanche, il y a un concert CCC au CICP. Et là, ce sera en soutien avec les prisonniers politiques du Mexique et notamment Miguel, dont on a eu l'occasion de vous parler régulièrement. Donc voilà, vous notez sur vos petites tablettes. Là, on fait une petite pause musicale et on retrouvera normalement Sophie après la musique. De 6 dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices. Et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau. et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnon, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne, mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. À quelques heures de Barcelone, se sont coupés des menuisiers et sans patron tout refonctionne. On sourit dans les ateliers, sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle. Des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici à madame c'est l'anarchie. La liberté dans l'espérance, ils ont osé la vivre aussi. FPP, c'est la jungle des luttes. Donc on est avec Sophie qui donc est à la CNT, Confédération Nationale du Travail. Justement, j'en profite pour les saluer et les remercier puisqu'on le répète régulièrement. On se réunit le CSPCL tous les 1er, 3e et 5e mercredi du mois dans les locaux de la CNT. Et donc on est bien content de trouver ce super espace pour se réunir depuis déjà 29 ans, ça fait longtemps. Et donc on a eu l'occasion de se croiser justement avec Sophie à plusieurs moments. On a aussi invité les filles en lutte contre People and Baby il y a des années. Je n'ai pas retrouvé justement sur le blog, puisque justement c'est un long combat. Et donc, si, comme tu es à la CNT, tu seras peut-être la mieux placée pour justement en profiter pour nous parler un petit peu de la CNT, de ce syndicat autonome. Et puis, on parlera ensuite de votre lutte. Et je te remercie surtout déjà d'être avec nous et je te donne la parole. Merci à toi. Oui, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir Véronica. Je suis très très contente de participer à l'émission. J'espère que vous m'entendez bien d'abord. Tout va bien, ouais, merci. Tout va bien, bon, ouais. Bien. Super. J'ai un téléphone fixe. et du coup, oui, moi je suis militante syndicaliste à la CNT depuis une bonne dizaine d'années. Donc la CNT, c'est un syndicat qui puise ses racines en Espagne, notamment avant et après. Après Franco, et voilà, c'est un syndicat qui a une particularité, c'est que ça prône la lutte des classes, l'autogestion, et par rapport, on va dire, même si tous les, comment dire, si la maison mère reste, on va dire la CGT, c'est un syndicat qui se dit anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire, et qui, à la différence des grosses structures syndicales, n'a pas de permanent, et voilà, essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de bureaucratisation des instances. Voilà pourquoi Vous moi avez... et mes collègues, on a décidé d'adhérer à ce syndicat-là en particulier. Ben merci. Du coup, peut-être que tu peux nous raconter justement ce qui vous est arrivé, toi et tes collègues, donc il y a déjà bien longtemps. Oui. Donc, il y a bien longtemps. Donc, il était une fois une petite halte-garderie dans le 13e arrondissement et qui était tenue par une association. Et en fait, il me semble que c'est en 2006, c'est avec l'ouverture au marché européen. On travaille dans une association, mais les lieux appartiennent à la ville de Paris. Et en fait, la ville de Paris décide de mettre sur le marché, entre guillemets, plusieurs structures d'accueil du jeune enfant, dont la nôtre. Et du coup, avec mes collègues, justement, c'est pour ça que c'était important. En fait, on a, pour s'opposer à cette marchandisation, on va dire, de la petite enfance et à l'entreprise qui va nous reprendre, c'est-à-dire l'entreprise People and Baby, on va trouver comme outil le syndicat. Mais voilà, on a réfléchi. Et par rapport à nos pratiques professionnelles et notre façon de travailler, on s'est reconnus dans la CNT. Et du coup, on a décidé, il y a plus d'une dizaine d'années, de monter cette section syndicale contre l'entreprise People and Baby qui venait de nous reprendre. Et vous aviez déjà, vous n'avez rien engagé au moment où il y a eu cette reprise en fait. Au départ, vous n'aviez pas forcément le choix de toute façon. On pensait vraiment que la ville de Paris allait choisir l'association parce que ça faisait plus d'une dizaine d'années que l'association La Passerelle existait, qu'on avait toute la reconnaissance, on va dire, du quartier, des familles, que le travail auprès l'accompagnement des enfants et de leurs parents se passait bien. Du coup, au départ, on pensait vraiment pas que on allait être, entre guillemets, privatisé, sachant qu'ils étaient obligés, quand la ville de Paris a choisi l'entreprise People and Baby et non plus l'association pour laquelle on travaillait, et l'entreprise a été obligée de reprendre les salariés. Ouais. Ils devaient reprendre les meubles et les salariés. Et du coup, ça nous est tombé dessus comme un coup de massue. Et on ne pensait vraiment pas du tout un jour devoir travailler pour une grosse entreprise privée. Sachant que c'est le tout début de People and Baby. Donc c'est ça, ce n'était pas encore la grosse entreprise. Ouais. La grosse structure qu'ils allaient devenir. C'était, voilà, ils se sont fait un peu ils se sont un peu fait leurs armes sur notre... Sur votre dos. donc une fois qu'on est repris en gestion, celles qui sont restées, il y en a beaucoup qui sont parties dans les anciennes collègues. À savoir que dans une halte-garderie, dans une structure accueil du jeune enfant, il y a différents diplômes et différents types de professionnels. Il y a aussi bien des auxiliaires, des CAP petite enfance, des éducatrices, des psychomotriciennes, des psychologues. Enfin bon, on est tout un agrégat de corps de métier. Ouais. Et on est complémentaires dans la réflexion pour accueillir le mieux possible les enfants. Donc celles qui sont restées, c'était en général celles qui étaient les plus précaires, celles qui étaient dans des situation compliquée et qui ont dû rester travailler pour cette entreprise. Et du coup, le seul outil, la seule arme, ça a été de syndiquer. Parce que dès qu'ils sont arrivés, on a vu nos conditions de travail se dégrader. On a vu une pression de la part de la direction se mettre en place. Et du coup, c'était pas du tout compatible avec un accueil serein des enfants. Et donc ça, vous étiez toutes d'accord, je dis toutes parce que vous étiez que... C'est des femmes, ouais. Alors, dans la petite enfance, on est en général que des femmes. Il y a quelques hommes, souvent dans les cuisines, quelques éducateurs, très peu chez les auxiliaires. On est un monde essentiellement de femmes. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on est, dans la société en tout cas actuelle française, on est peu reconnus. Et assez méprisé même de la part de la société. Et les gens ne savent pas ce qu'on fait. Hein. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'on est des nounous et qu'on s'amuse toute la journée avec les enfants. C'est des métiers assez ingrats, mais c'est des beaux métiers parce qu'on porte les tout-petits de la naissance à 3 ans à peu près. Et donc, du coup, c'est des métiers qui sont aussi très fatigants. Donc quand on a affaire à des entreprises comme People and Baby, qui sont là pour se faire de l'argent, ce n'est absolument pas compatible de manière générale de toute façon. Mais là encore moins. Et du coup, vous étiez combien à être donc resté avec, enfin, dans la crèche Pepple and Baby? Au début, alors il y a Asia, Cindy, Marion, Virginie et moi-même, ça fait 5. Il y a d'autres collègues pareil qui sont restés, mais qui voilà, qui étaient proches de la CNT, Anne, Janice, 7 et peut-être il y en a une 8e que j'oublie. Il y avait Pierrette, la dame qui venait nous aider à faire l'entretien. On était moins d'une dizaine. Et de vouloir se syndiquer, on était les 6. Mais voilà, on était, on va dire, dans la structure, on était en... Bon, on n'était pas nombreuses, hein, c'était une toute petite structure qui accueillait une vingtaine d'enfants. On était majoritaire largement. Il y avait, on avait la directrice et l'adjointe. L'adjointe qui, au début, était favorable à notre combat. Et puis après, les directrices... On en a eu 5 en même pas une année. Enfin bon, ça n'arrêtait pas de tourner. C'était très, très, très conflictuel. Parce que du coup, justement, précisément, on peut peut-être parler pour qu'on y voit plus clair. C'est-à-dire que du coup, quand il y a eu le changement, très vite, tout s'est dégradé. Oui. Enfin, parce qu'au départ, vous avez sans doute eu les mêmes salaires. J'imagine que vous n'avez pas changé. Ça a juste changé de structure au départ. Ouais. Puis finalement, après, c'est donc concrètement ce qui s'est passé, ce qui a fait que vous vous êtes mobilisé et organisé. Concrètement, c'est sur... alors, ils sont obligés de nous reprendre avec nos contrats, vu que c'est une reprise de marché. Du coup, nos salaires et nos contrats de travail ne sont pas censés bouger. Après, c'est juste dans l'organisation de la journée, dans les tâches à faire, dans la répartition, dans le déroulé de journée... où on se retrouve à devoir faire plus souvent des tâches ménagères, entre guillemets, qui ne sont pas forcément dans nos fiches de poste que d'être auprès des enfants. C'est, voilà, on est, du coup, la sécurité affective et voilà, de pouvoir prendre le temps de bercer un enfant dans les bras, ça, on ne nous l'a accordé plus. Le fait de rester au tapis avec les enfants, voilà, c'est des métiers, ça, peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça semble un petit peu lointain, mais... Si on a eu des enfants près de nous, on comprend ce que... Voilà, c'est voilà, on est là pour travailler, on est des professionnels, on doit faire en sorte que l'enfant se sente bien, se sente en sécurité, que la famille se sente bien. Et du coup, quand toute la journée, on a une directrice qui nous crie dessus, qui nous convoque dans son bureau, qui harcèle, qui des tâches absurdes à faire, et ben du coup, au bout d'un moment, le déroulé de journée, il est plus concevable et le cœur du métier est saccagé. Du coup on s'est dit on peut pas continuer à travailler dans de telles conditions, parce que les premières victimes ce sont les enfants et les familles. Et voilà, maintenant on entend un peu parler là de tout ce qui se passe dans la petite enfance, mais voilà, c'est il y a 10 ans on a vu venir ça, voilà, c'était couru d'avance que ça pouvait pas fonctionner, leur management dans des structures d'accueil du jeune enfant. Et donc, du coup, vous avez porté plainte via la CNT pour une... Alors, pas tout à fait porté plainte. On s'est syndiqué. C'est-à-dire, on s'est dit, voilà, en fait, c'est nos conditions de travail qui changent. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir de bonnes conditions de travail? C'est le syndicat. Quel syndicat on a envie de choisir? On avait une âme, voilà, on était un peu, on va dire, une âme... Alors, la plupart des collègues n'avaient jamais vraiment milité auparavant. Mais voilà, quand je dis toujours, hein, quand on a affaire à un patron voyou, on n'est pas obligé d'avoir lu l'intégrale du manifeste du Parti communiste pour savoir de quel côté de la barricade on est. Donc voilà, on a rencontré des camarades de Sud, on a rencontré, on a regardé un peu tous les syndicats dans le social qui pouvaient nous parler. Et puis il s'est avéré qu'on avait des camarades de la CNT qui étaient dans le 13e, qui est dans d'autres structures, mais voilà, qu'on a rencontré, avec qui on a discuté. Du coup, on a décidé de monter la CNT, qui allait le mieux avec nos valeurs professionnelles et, je pense, aussi humaines. Voilà, on se reconnaissait dans la CNT. Donc, on a fait nos premiers tracts, nos premières revendications, pour demander sur les horaires, des choses banales, hein, la base, quoi. C'était pendant la période de pas de bébé à la consigne, donc voilà. Donc, on essayait, on va dire, au niveau légal, de faire valoir nos droits, sauf que pour la petite histoire, ils ont repris 5 structures en même temps que la nôtre, et donc on allait diffé dans les autres structures, et tout de suite on a été une vingtaine de professionnels femmes à vouloir à se réunir, à vouloir se syndiquer, Voilà, c'était plus seulement dans le 13e arrondissement à Paris. Il y avait des collègues dans le 20e. Voilà. Ouais, c'est ça, c'était si sur Paris. En fait, parler aux autres collègues professionnels des autres structures que People and Baby venait de reprendre. Et qui vivaient la même chose, plus ou moins que vous. Voilà, elles vivaient la même chose. Elles avaient à cœur de bien travailler. Du coup, voilà, la pression sur le terrain est montée crescendo. Voilà, on recevait de plus en plus de gueulantes de la part de la directrice. Il y avait un turnover de directrice insupportable. On avait des petits coups de pression. On voulait nous changer nos horaires du jour au lendemain. Enfin bref, voilà tout ce que peuvent connaître, je pense, même n'importe qui dans une boîte où ça se passe mal, où c'est très insidieux, mais au bout de la journée, c'est fatigant, quoi, c'est usant. Et la toute-puissance de la hiérarchie dans sa manière de transmettre les ordres, c'est insupportable, quoi. Donc, comme on était assez réfractaires, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, ça peut plus durer, on va se mettre en grève. Et sachant, par ailleurs, qu'on avait le soutien de toutes les familles, de tous les enfants qu'on accueillait, qui étaient autant dégoûtés que nous, que ça soit cette entreprise qui a repris la gérance de la structure. Donc, on était aussi soutenus par les parents. Donc, ça, c'était une force pour nous et par le quartier. Et donc, là où tout a basculé, donc c'est il y a plus de 10 ans maintenant, c'est il y a 13 ans, on a décidé de se mettre en grève. Et en fait, suite à la grève, le lendemain, on a toutes été mises à pied. Donc, ça veut dire que là, c'est un moment qui a été très violent pour nous. Alors, moi, j'étais pas là ce jour-là, mais voilà, mes collègues et camarades l'ont maintes et maintes fois raconté. En fait, on travaille sur des horaires décalés, donc il y en a une qui arrive à 8h, l'autre à 9h, l'autre à 10h. Et en fait, une par une, elle se présentait à la halte garderie. En fait, il y avait toute la direction de People and Baby, donc des nanas en tailleur, talons, qui leur signifiaient qu'elles étaient mises à pied, qu'elles avaient 5 minutes pour récupérer leurs affaires et qu'elles devaient foutre le camp de la halte. Alors que c'était notre lieu de travail, c'est-à-dire on avait nos affaires, on y mangeait, on y passait beaucoup de temps, on avait... voilà, c'était notre endroit. On était bien dans cette structure. C'est rare d'être dans un travail où on se sent bien. On avait pour certaines, on était là depuis plusieurs années. On nous a dégagés comme ça en 5 minutes. Et à côté de ça, ils ont continué d'accueillir les enfants dont les parents, voilà, qui étaient alertés de la situation, ne pouvaient pas faire autrement que de confier leurs enfants à des inconnus. Donc ça pleurait, ça hurlait de partout, les collègues étaient en pleurs, elles avaient 5 minutes pour récupérer leurs affaires, ça a été extrêmement violent. Et tout ça parce qu'on a fait une journée de grève. Voilà. Et du coup, les suites alors, parce que vous n'en êtes pas resté là, évidemment. Non, bah du coup, tout de suite, mes collègues, elles ont appelé le syndicat. C'est ça l'outil aussi et la force d'être, de ne pas être isolé, de ne pas être tout seul. Et donc là, les camarades ont tout de suite pris les choses en main. On était vraiment choqués, hein. on était en pleurs, on était extrêmement choqués parce que faire grève, en fait, pour nous, c'était tellement quelque chose. Voilà, on est en France, il y a un droit du travail, un code du travail. On était vraiment, pour nous, dans toute la légalité de nos actes. Et bah non, en fait, ils se sont assis sur le code du travail. Du coup, la CNT a tout de suite mis en place un système de solidarité. Voilà, on a fait une réunion le soir même au Gignol. Donc les 33, c'est là aussi où on se réunissez. Et voilà, on a mis un plan d'action en disant, voilà, c'est juste pas possible. Donc il y a eu un plan d'action, on va dire, légal, c'est-à-dire quelle poursuite on va donc contacter les avocats, et puis il y a eu un mode d'action, on va dire, plus militant. Plus politique. Spontané. Spontané, on va dire. Mais réfléchi à la fois, spontané et réfléchi. C'est-à-dire, bah, ils nous foutent dehors, on va occuper les locaux. Et on a commencé par occuper la halte garderie avec les parents. Et ensuite, on a décidé de collectivement d'occuper le siège social. Et donc, du coup, là, ça a porté ses fruits ou finalement... Eh ben alors, on va dire que ça a été un... Médiatique, enfin, il y a eu une répercussion. Médiatique, il y a eu vraiment, on a eu un soutien. Ben alors, c'est ça aussi la force de la CNT, c'est que c'est une confédération et on n'est pas corpo, c'est-à-dire qu'il y a des camarades de l'éducation qui sont venus, des camarades de l'EDPI, quoi, vraiment des camarades de la RATP, des camarades de tous les milieux qui sont venus et qui nous ont soutenus, hommes, femmes, voilà, il y avait vraiment une belle solidarité. Et c'est vraiment des grands moments aussi de réflexion et d'échange et de ces bateaux de solidarité et de se rendre compte que de la force qu'on a quand on est plusieurs et que en fait du côté du patron ils sont pas voilà quand on est arrivé chez People & Baby ils sont partis et on avait tout quoi on avait le pouvoir entre guillemets quoi et ça je pense que on regagne en dignité quand on fait ce genre d'action d'occupation parce que c'est sans nous ils sont rien, c'est-à-dire l'économie elle tourne pas, les enfants ils sont pas accueillis. Et du coup, oui, il y a eu des articles dans Le Parisien, dans Le Canard Enchaîné, on est passé à FPP il y a plus de 10 ans. Enfin bon, c'était à la fois voilà, ils nous ont foutu dehors par la petite porte, on revient par la grande porte et en plus on occupe. C'est ça, il y a eu des beaux moments. Il y a eu, c'est ça, des moments aussi de solidarité avec des concerts organisés où on a eu l'occasion de justement voir la bande que vous étiez. Et avec ça, enfin, je dis ça parce que ça me rappelle aussi un peu ce que racontent les apatistes aussi, c'est que rien de tel que de lutter pour soi là au quotidien. Et même si tu connais pas, même si tu n'as jamais fait de politique, c'est un peu ce qui est arrivé à des collègues qui n'étaient pas forcément militantes ou impliquées ou qui ne s'étaient pas intéressés vraiment forcément à toutes ces questions. Et c'est l'occasion aussi d'apprendre quand on est... C'est hyper instructif. C'est même si, voilà, en plus quand ça dure très très longtemps dans le temps, c'est un peu épuisant. On a l'impression d'être un peu monomaniaque, d'être dans ce truc-là et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est tellement... tout à l'heure, quand voilà, on préparait l'émission, qu'on discutait, tu parlais d'un truc charnel, mais il y a quelque chose de... Ouais, c'est en soi, c'est palpable, on n'a pas le choix, en fait. Voilà, on n'a pas le choix, comme... Et effectivement, on s'en sort pas indemne, et ne pas s'en sortir indemne, c'est pas forcément négatif, c'est positif. Même si c'est une micro-lutte, même par rapport à la lutte... nos camarades apatistes par rapport, on est une toute petite lutte, une petite, mais on se dit on pense à la guérilla et se dire que de se dire la multiplication de toutes ces petites luttes, elle peut apporter énormément de choses à l'émancipation des hommes et des femmes dans la société, et que c'est une expérience unique qu'on n'a pas souhaité au départ, hein, parce qu'on était bien dans notre halte garderie avec notre projet éducatif et qui tournait, c'est donc ça. Cette expérience, jamais on avait envie de bosser pour ces gens-là. On nous a pas laissé le choix. Donc, faut quand même rappeler que c'est la ville de Paris, hein, à l'époque soi-disant de gauche, qui privatise quoi, qui sous-traite à peu toutes ses activités de toute façon. Ouais. Ouais. On va faire une petite pause musicale et on te retrouve. Ouais, excuse-moi, j'étais en. Non, pas de souci. À tout de suite. Bonne pause musicale. Merci. We'll be right back. 20 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. FPP, c'est la jungle des luttes. On continue, on est toujours avec Sophie et qui nous raconte un peu ce combat mené, enfin un peu beaucoup, ce combat mené depuis des années contre People and Babies. Combat justement qui a un côté, bon ben voilà, il y a l'aspect juridique froid, et puis il y a tout ce qu'on vit, puisque du coup ça a été, comme on le disait avant de la pause musicale. Ça prend la vie, en fait, c'est au quotidien finalement, même si y a des étapes différentes qui se succèdent. Il y a ce combat qu'on mène avec nos tripes, avec notre cœur, et on y laisse des plumes et en même temps on s'enrichit. Et merci d'être toujours avec nous. Oui, bah merci encore à vous de m'avoir accueillie. Je dis tout parce que quand je parle aussi pour mes collègues et camarades qui sont toujours avec moi quand j'évoque cette lutte. Et d'ailleurs la musique là qu'on vient d'écouter, oui, il y a tout l'aspect un peu rébarbatif, un peu fatigant, tout l'aspect juridique, et puis il y a l'aspect on a toujours continué de chanter, de danser pendant toute cette lutte. Il y a eu des moments de pause. Et cette musique-là fait partie de nos fameuses booms rue des Vignoles où, après une réunion, on rangeait les crayons et puis on mettait la musique et puis on se mettait à danser. Et puis ça, un patron, il le fait pas dans son bureau. On le fait et en plus, on est plein à le faire. Donc, des moments d'émotion. Et voilà, moi, cette musique, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où on ne l'a pas passée en 13 ans. Et donc, justement, aujourd'hui, quand on parle de 10-14 ans de combat, on en est où? Donc, justement, précisément aujourd'hui, parce que donc, plus personne ne travaille à People and Baby de celle qu'on... Parce qu'une fois que précisément mise à pied... Du coup, après la mise à pied... donc au départ on a occupé, je parlais avant l'intermède musical, on a occupé, pas pour le plaisir d'occuper même si ça leur fait les pieds, c'était aussi pour demander la réintégration des collèges, à savoir qu'ils nous avaient mis à pied pour insubordination au respect des règles d'hygiène et de sécurité, alors qu'on a prouvé au prud'homme. Donc il y a plein d'instances en fait quand on mène un combat. En plus là, on est dans un cadre privé, c'est une société privée. Donc, dans le droit, il y a le droit public et le droit privé. Donc, il y a des petites particularités. Et on a démontré par les rapports de l'inspection du travail, de la médecine du travail, même des différents entretiens et d'évaluations qu'on avait pu avoir, que c'était complètement faux ce qu'ils nous reprochaient. Et du coup, on demandait la réintégration. Au final, le temps est passé, puis au bout d'un moment, on n'avait plus du tout envie de demander la réintégration. Donc, on a demandé des indemnités, car il faut savoir que quand on est mis à pied et qu'on perd notre salaire du jour au lendemain, on perd aussi notre salaire du jour au lendemain. Donc, on s'est retrouvés dans une précarité, et à savoir que on est toutes des femmes, on a toutes des petits salaires, on est dans la petite enfance. Donc, là aussi, le soutien du syndicat financier nous a beaucoup aidé pour pouvoir faire face à tout ça. C'est pour ça, moi j'encourage vraiment tous les travailleurs, les travailleuses, qui, surtout ceux et celles qui sont isolés, de contacter le syndicat de la boîte, parce que c'est censé nous protéger. Alors là, pour le coup, le fait d'avoir été syndiqué, on a été dans le collimateur, mais il faut pas, il n'y a pas de regret parce qu'on les a bien fait chier. On a été mis à pied, on a perdu notre salaire, on a perdu notre travail, et après on a gagné au prud'homme et on a gagné les indemnités en fait de toutes les années où on a été comment dire, on a vécu un préjudice à la fois moral mais financier de perdre notre travail du jour au lendemain. Si c'était tout à fait très clair. Juste par contre, du coup, effectivement, tu parles d'années. Donc pendant des années, avant que les prud'hommes puissent vraiment vous donner raison, alors, il a fallu des années. Heureusement, il y a eu toute la petite période où on est mis à pied, donc on n'a plus de salaire. Donc après, il y a celles qui ont retrouvé du travail à côté, celles qui ont été alors moi, j'ai connu le RMI, le RSA maintenant. Il y a certaines qui ont été chercher des bons alimentaires, qui avaient des enfants, qui ont dû aller voir les assistantes sociales pour pouvoir payer leur loyer ou donner simplement à manger à leurs enfants. On avait tous les syndicats de la RP qui nous filaient des chèques pour le temps qu'on trouve une solution à tout ça. Et puis après, alors je ne vais pas dire de conneries, mais qu'on est licencié, on a droit aux indemnités chômage aussi. C'est assez complexe, mais dans tous les cas, on est quand même... Voilà, le Code du travail fait en sorte qu'on, même s'ils ne l'ont pas respecté, qu'on puisse ensuite toucher, mais il faut que ça se mette en... Voilà, c'est les rouages de l'administration, donc voilà, il y a eu toute... C'est pas des années où, heureusement, où on s'est retrouvé sans revenu. C'est quelques mois, mais il suffit de quelques mois où on peut tout bascule, oui. De loyer impayé, et on est dans la merde, quoi. On peut perdre son appartement, enfin bon. Oui, sans compter du coup le préjudice moral aussi. Donc on a survenu à nos besoins. Et c'est aussi important, et je le dis aussi pour vous, qu'organisé même avec le comité collectif contre-culture, que ce soit au CCP, au Vignol ou dans les lieux associatifs, alternatifs, où on fait des soirées de soutien, il faut que de mettre 5 euros, le sourire, l'échange, mais c'est aussi ce qui nous permet de mettre des sous de côté pour toutes les luttes de manière générale, quoi. Donc c'est important, les soirées de soutien. Ouais, et justement, on s'était vu la dernière fois quand justement on était à la parole errante, parce que vous aviez organisé avec la CNT justement une journée de soutien. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours un plaisir de te croiser. Et du coup, là aujourd'hui, vous avez encore besoin de soutien ou là vous commencez à voir le bout du tunnel? Alors du coup, on a gagné au prud'homme, mais c'est raclure. On fait appel. Et l'appel, en fait, donc là, on est de 6-7 ans après. Donc, à savoir qu'on refait toutes nos vies, on arrive à sortir de tout ça. Mais qu'au moins une fois par an, on a un rendez-vous avec le syndicat aussi. Je pense aussi à tous mes camarades de santé sociale. FX, Sylvain, Patty, Maïté, tout ça, Gurvan, enfin bon, bref, tout, Anne, tous les copains, copines qui sont là, parce que le syndicat, il en a chié aussi, Santé Sociale, notre syndicat de rattachement, on va dire, parce que régulièrement, on est convoqué devant les prud'hommes, devant au palais de justice de Paris, on a fait aussi le théâtre, tribunal administratif, enfin, il n'y a pas une année qui se passe sans qu'on doive se présenter devant des juges. Et honnêtement, voilà, c'est pas grave, mais c'est chiant. Ça veut dire, voilà, mentalement, faut se préparer, pour raconter toujours la même histoire. Donc ça, c'est un peu usant et fatigant. Et du coup, on gagne au prud'homme, mais on repère en appel, genre 10 ans plus tard. En fait, eux font appel, et là, on tombe sur une juge, je pense, une juge qui est clairement du côté du patron. Parce que la lutte des classes, c'est pas un vain mot. Elle prend même pas le temps de... Elle nous demande au départ si on veut négocier ou je sais pas quoi. On dit, non, on a gagné au prud'homme. Et en fait, elle lit pas le dossier. Et en fait, elle reconnaît donc pendant cet appel qu'on a eu un préjudice, mais que ça vaut pas les indemnités qu'on a touchées. Et du coup, elle casse, on va dire, les prud'hommes. Et on se retrouve à devoir rembourser les indemnités qu'on avait gagnées 4 ans auparavant, et que on les a plus, ces indemnités, parce que la vie fait que tu les as dépensées puisqu'on te les avait données. Et du coup, on se retrouve dans une merde incroyable, que ça soit financièrement, moralement. On pensait pas perdre en appel, c'était tellement improbable, sachant que juste pour je fais rapide, en fait, il y a ce qui est le plus flagrant dans cette histoire de préjudice et de discrimination syndicale, c'est que l'inspection du travail, qui est un organisme, on va dire, indépendant, qui est un organisme d'État, mais a été visité le siège social de People and Baby, donc les bureaux, et a retrouvé toute une série de mails entre la ville de Paris et donc qui est le client, on va dire, de People and Baby et l'entreprise People and Baby, où c'est écrit noir sur blanc qu'il faut se débarrasser des 6 femmes syndicalistes. Et du coup, voilà, on a les preuves pour nous de montrer que, en fait, depuis le départ, à partir du moment où on se syndique, où on s'organise, le patron veut se débarrasser de nous, la ville veut se débarrasser de nous, et ça, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est discret. Et la discrimination syndicale est un délit. Est un délit. Du coup, on est passé aussi au pénal. Enfin, bon, on a fait, je crois que j'ai fait tous les tribunaux Paris intramuros avec les camarades. Donc, voilà. Donc, en appel, c'est une déconvenue énorme. On est condamné. Du coup, là, on est au bout du rouleau. On est fatigué. Hein. Là, on en est à 8 ans de lutte. En 2021, c'est juste après le Covid. En plus, ça s'est passé de... Comme il y a le Covid, il y a tout un protocole à respecter. Donc, il n'y a qu'une seule juge qui nous écoute. Enfin, bon, les tribunaux sont surchargés de dossiers. Enfin, bon, c'est un backlash total de l'affaire. Et on se retrouve, voilà... à nouveau condamné et ça fait mal, ça fait très mal. Donc, branle-bas le combat avec les camarades de la CNT, on arrive à récupérer des sous, on fait une énorme cagnotte et je remercie s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont contribué à ce qu'on puisse regrouper cet argent pour pouvoir aller en cassation. C'est ça. Et donc, la cassation, c'est pour casser. Donc, c'est le terme casser l'appel. Ouais. Voilà. Et donc, là, vous avez eu une réponse plutôt positive voilà. La dernière fois. Parce que, en fait, aujourd'hui, il y a du nouveau, mais je n'ai même pas encore prévenu mes camarades du syndicat parce qu'il faut à savoir que ça te bouffe la vie au quotidien. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire ma popote, l'avocate qui appelle. Là, ils ont, en fait, donc, très, très bonne nouvelle. Donc, après un an de. Un peu de fragilité morale, etc., où on repart au combat, on écrit des tracts, on fait des affiches, on essaye de joindre le plus de journalistes possible pour faire parler de cette lutte de ces 5 femmes, quoi. Franchement, quoi. C'est un combat de, toutes les semaines, il n'y a pas un moment où on n'est pas obligé de s'y pencher, ça prend beaucoup de temps perso. Et ben, du coup, on arrive jusqu'à la cassation, et en fait, on gagne en cassation. Donc, eux, ils perdent. On gagne dans... C'est-à-dire que la discrimination syndicale est reconnue. Mais, en revanche, ils cassent... En fait, ils cassent la décision en appel. En revanche, il y a une des collègues où ils ont reconnu son licenciement. Mais dans l'ensemble, voilà, on a toutes... Ils ont... Dans tous nos dossiers, la discrimination syndicale est reconnue. Donc ça, c'est il y a 3 semaines. Et ça tombe très bien parce que la fête qu'on a faite à la parole errante, eh ben, en fait, on venait d'apprendre cette bonne nouvelle, ouais. Cassation. Et là, aujourd'hui, il faut que j'écrive à mon syndicat. On vient d'apprendre qu'ils ont le droit à faire un pourvoi de cet appel. Ben oui, c'est ça. Donc, à voir s'ils le font. En gros. Voilà. C'est pas fini. Bon. C'est pas fini, mais ils sont obligés de nous rendre l'argent qu'on avait dû leur rendre. Donc ça, ça leur fait les pieds. Bon, c'est déjà ça. Ouais, donc quand même pas toute perte. Je suis désolée pour les auditeurs, les auditrices, mais c'est un truc de... Faudra soit faire un feuilleton, un film, un bouquin, j'en sais rien. Bah, en tous les cas, on a passé un bon moment avec cette rétrospective sur cette histoire qui donc n'est pas finie. Et bah, tu n'hésites pas à nous tenir au courant quand enfin on pourra clore ce dossier, oui, et faire à nouveau une fête et l'annoncer. À votre émission et puis à très très vite. Et oui, et puis dans 2 ans, on se rappelle pour, comme tu le dis, clore ce dossier. C'est ça, la lucha sigue. Bise, merci, à bientôt. Merci à toi, bonne émission, bonne soirée. Merci, à bientôt. FPP 106.3, la jungle des luttes, pause musicale. Les filles n'ont pas le droit de décider qui elles veulent être dans ce monde. Maintenant, je décide. Un soir sous alcool dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le tri dans sa tête. Salomé m'a dit que dans ses rêves elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Hey, Salomé m'a dit ouais c'est moi qui décide. Qu'elle en avait marre de sentir inférieure et qu'elle avait peur de sentir à l'écart d'une société qui fait taire les filles. Donc Salomé m'a dit qu'elle voudrait se faire la malle ou bien faire taire les mâles pour que tout soit égal. Ouais, elle a giflé son patron vu qu'entre deux salaires y'avait trop d'écart. Y'avait trop d'écart dans ce qu'elle montrait aux hommes, souvent l'impression de ne pas être écoutée. Marre d'une société qui lui dit d'être une princesse, marre d'y penser, marre de sentir les larmes couler. Salomé rêvait d'égalité des sexes et de son vivant voir une révolution, voir toutes les femmes crient à l'unisson. Faut arrêter de se dire qu'on peut vivre avec. FPP, la jungle des luttes, on est ensemble jusqu'à 20h30 en direct et donc on passe à un autre registre après la lutte ici de la CNT et du groupe de filles ex-salariées donc, qui mènent un combat contre les vilains patrons et ce système capitaliste qui fait de toute activité un objectif, l'argent, l'argent et l'argent. Il y a eu les apatistes qui se sont soulevés en 1994 pour nous dire que bah, il y avait qu'à construire un autre monde et donc bah, ils s'y attachent. Et là, ils se sont soulevés donc, le 1er janvier 1994, ça fait bientôt 30 ans. On a parlé déjà de cette organisation qui s'est soulevée, qui a bien entendu développé l'autonomie comme l'un des moyens de résister au système. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas tout seuls. Donc, ils ont régulièrement proposé de nous, chacun de nous, là où on est, peuple, groupe ou communauté ou collectif, de s'organiser en bas, en rejetant la notion de pouvoir et en construisant une autre façon de faire de la politique. Et donc, ils ont énormément communiqué depuis 1994. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas avec des moments de grande répression, des moments où, pendant ce temps-là, ils ont pu beaucoup avancer quand il y a eu des moments d'accalmie et de manière permanente. En tous les cas, ils construisent et ils nous ont invités à de nombreuses reprises à des rencontres et avec des communiqués, des textes qui nous amènent aussi à réfléchir. Ils prennent des décisions, ils en prennent toujours et encore et on l'a déjà fait remarquer. Ils ont souvent parlé du fait qu'il fallait pouvoir être autocritique pour pouvoir avancer et donc pas seulement se baser sur une théorie mais surtout cheminer en avançant en fait ou avancer pour cheminer, je sais pas quelle est la meilleure formule. Et donc ils ont écrit plusieurs textes là depuis le mois de novembre, on en est au 18e et donc ça commence par un poème et puis ça nous raconte dans un deuxième texte le fait qu'ils se battent. Donc en 94 ils se soulèvent en disant qu'ils se battent pas pour eux parce qu'ils savent très bien que le changement va être long et que c'est pas seulement juste prendre une décision, et donc ils se battent pour leurs enfants et leurs petits-enfants même. Et là, dans le texte où ils parlent de Déni, qui, elle, naîtrait dans 120 ans, donc le chemin est long, effectivement, et donc ils ont pris aussi des nouvelles décisions, et donc ils expliquent dans le texte numéro 4 que ce qu'on connaissait depuis déjà 2003, et on en parlait régulièrement, c'était ces assemblées de bon gouvernement et ces caracoles et cette autonomie qui se construisait avec un mode d'autogestion, avec un commandé en obéissant, etc. Et donc dans le quatrième texte, il nous explique que tout ça n'existe plus et que ben voilà, il faut autre chose. Donc là, c'est le suspense jusqu'au neuvième texte que je vais vous lire. Il nous explique donc quelle est la nouvelle structure de l'autonomie zapatiste. Novembre 2023, frères, sœurs et compañeros, je vais essayer de vous expliquer comment nous avons organisé l'autonomie, c'est-à-dire à quoi ressemble la nouvelle structure de l'autonomie zapatiste. Et plus tard, je vous donnerai des explications plus détaillées, ou peut-être non, je ne vous en expliquerai pas plus, car c'est la pratique qui compte. Bien sûr, vous pouvez aussi venir à l'anniversaire et voir les pièces de théâtre, chansons, poésie et les arts et cultures de cette nouvelle étape de notre lutte. Sinon, les Tercios Compas vous enverront des photos et des vidéos. À un autre moment, je vous raconterai ce que nous avons trouvé de bon et de mauvais dans notre bilan critique des Mares, les municipios autonomes et des assemblées de bon gouvernement. Maintenant, je vais juste vous dire où on en est. Voilà. Premièrement, la base principale qui est non seulement le support de l'autonomie, mais aussi la base sans laquelle les autres structures ne pourraient pas fonctionner, c'est le gouvernement autonome local, le GAL. Donc il y a un GAL dans chaque communauté où vivent les bases d'appui zapatistes. Les GAL zapatistes sont le noyau de toute l'autonomie, ils sont coordonnés par les agents et commissaires autonomes et sont soumis aux assemblées des villages, communautés, lieux-dits, ejidos ou des lieux du nom que se donne chaque population. Chaque GAL contrôle ses ressources autonomes organisationnelles ainsi que la relation avec les autres pueblos non zapatistes voisins. Il contrôle aussi le bon usage des finances, détecte et dénonce les mauvaises administrations, les corruptions, les erreurs qu'il peut y avoir. Il est vigilant par rapport à ceux qui veulent se faire passer pour des autorités zapatistes dans le but d'obtenir des soutiens ou des aides qu'ils utilisent à leur profit. Donc s'il y avait auparavant quelques dizaines de Marais, c'est-à-dire les municipios, autonomes, rebelles, apatistes, il y a à présent des milliers de gouvernements autonomes, apatistes. Deuxièmement, en accord avec leurs besoins, les problèmes et avancées, plusieurs GAL se réunissent dans les collectifs de gouvernements autonomes apatistes, les CEGAS, qui sont des lieux où se discutent et se concluent les accords sur des questions d'intérêt pour les GAL, qui les convoquent. Donc c'est là qu'ils se proposent, se discutent et s'approuvent ou se rejettent les plans et les besoins en matière de santé, d'éducation, d'agroécologie, de justice, de commerce et d'autres domaines qui pourraient s'avérer nécessaires. Et donc au niveau de ces CEGAS, se retrouvent les coordinateurs de chaque zone. Ce ne sont pas des autorités. Leur tâche consiste à veiller à ce que les travaux demandés par les GAL ou ceux qui sont nécessaires à la vie de la communauté soient réalisés. Comme par exemple des campagnes de médecine préventive ou de vaccination, des campagnes contre les maladies endémiques, des cours et des formations spécialisées, comme des techniciens de laboratoire, radiographie, échographie, mammographie et d'autres domaines que nous apprenons au fur et à mesure. L'alphabétisation au niveau supérieur de l'écriture, ou bien encore des événements sportifs et culturels, des fêtes traditionnelles, etc. Chaque région ou ses GAS, assez responsables, convoque les assemblées en cas de problème urgent ou touchant plusieurs communautés. C'est-à-dire que là où il y avait auparavant 12 conseils de bon gouvernement, 12 juntas, il y en aura à présent des centaines. Troisièmement, viennent ensuite les assemblées de collectifs de gouvernements autonomes apatistes, les ACGAS. Donc elles sont ce qu'on appelait auparavant les zones, mais elles n'ont pas d'autorité et dépendent des CEGAS. Et les CEGAS dépendent des GAL. La CEGAS convoque et préside les assemblées de zones quand elles sont jugées nécessaires par les GAL et les CEGAS qui en font la demande. Elles ont leur siège dans les caracoles, mais elles se déplacent entre les régions. Autrement dit, elles sont mobiles pour répondre aux requêtes des pueblos. Quatrièmement, comme on pourra le voir dans la pratique, le commandement et la coordination de l'autonomie ont été transférés des juntas, des assemblées de bon gouvernement et des municipios, aux pueblos, aux communautés, c'est-à-dire aux GAL. Cinquièmement, les structures et la configuration de l'EZLN ont été réorganisées de manière à accroître la défense et la sécurité des localités et de la terre-mère en cas d'agression, d'attaques, d'épidémies, d'invasions par des entreprises prédatrices de la nature, d'occupations militaires partielles ou totales, de catastrophes naturelles ou de guerres nucléaires. Nous sommes préparés pour que nos pueblos survivent, même isolés les uns des autres. Sixièmement, nous comprenons qu'il vous soit difficile d'assimiler ceci et que vous deviez batailler un certain temps pour le comprendre. Cela nous a demandé 10 ans à nous pour le penser. Et sur ces 10 ans, 3 ans pour le préparer à la pratique. Nous comprenons aussi qu'il vous semble que votre pensée soit sans dessus dessous. C'est pourquoi il faut que vous changiez de canal de compréhension. Ce n'est qu'en regardant très loin, en arrière et en avant, qu'on pourra comprendre le pas présent. Nous espérons que vous comprendrez que c'est une nouvelle structure d'autonomie, que nous sommes seulement en train de l'apprendre et que ça prendra un peu de temps pour qu'elle marche bien. En réalité, l'unique intention de ce communiqué est de vous dire que l'autonomie zapatiste continue et avance, que nous pensons qu'il en sera mieux ainsi pour les pueblos communautés ou hameaux où habitent tous les compas qui luttent, c'est-à-dire les bases d'appui zapatistes. Et donc cela a été une décision de leur part qui a pris en compte leurs idées, leurs propositions, leurs critiques et autocritiques. Ainsi, comme on le verra bientôt, cette nouvelle étape de l'autonomie est nécessaire pour affronter le pire côté de l'hydre, sa bestialité la plus infâme et sa folie destructrice, ses guerres et invasions entrepreneuriales et militaires. Il n'existe pas pour nous de frontières ni de géographie lointaine. Tout ce qui se passe dans n'importe quel coin de la planète nous affecte et nous concerne, nous inquiète et nous fait mal. Dans la mesure de nos très petites forces, nous soutiendrons les êtres humains dans le malheur, qu'importe la couleur, la race, la nationalité, la croyance, l'idéologie et la langue. Même si nous ne connaissons pas beaucoup de langues et que nous ne comprenons pas d'autres cultures et manières, nous pouvons comprendre la souffrance, la douleur, la tristesse et la digne rage que provoque le système. Nous savons lire et écouter les cœurs frères. Nous continuerons à essayer d'apprendre d'eux, de leur histoire et de leur lutte, non seulement parce que nous en avons pâti pendant des siècles entiers et que nous savons ce qu'il en est, mais aussi et surtout parce que depuis 30 ans, nous luttons pour la vie. Nous avons certainement commis beaucoup d'erreurs pendant toutes ces années. Nous en ferons certainement beaucoup d'autres pendant les 120 prochaines années. Mais nous ne nous rendrons pas, nous ne changerons pas de chemin, nous ne nous vendrons pas. Nous examinerons toujours notre lutte, ses temps et ses manières avec un regard critique. Nos regards, nos oreilles, notre tête et notre cœur seront toujours disposés à apprendre des autres qui, même s'ils sont différents à beaucoup d'égards, partagent nos préoccupations et nos profondes aspirations à la démocratie, la liberté et la justice. Nous chercherons toujours le meilleur pour nos pueblos et les communautés sœurs. Nous sommes donc zapatistes. Tant qu'il y aura au moins une zapatiste dans n'importe quel coin de la planète, nous résisterons en rébellion, c'est-à-dire nous lutterons. À vous de voir, amis et ennemis, ceux qui ne sont ni une chose ni l'autre, c'est tout pour l'instant. Depuis les montagnes du sud-est mexicain, on fait une petite pause musicale et on passe au prochain. 106.3 FPP, la jungle des luttes. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Et donc, c'est peut-être pas forcément très clair quand on vous lit le texte que je vous ai lu. Mais en même temps, ils vous disent peut-être que vous ne comprenez pas, il faut peut-être changer de canal. Mais c'est surtout qu'en réalité, il n'y a pas non plus vraiment de. Pour le moment, que de leur laisser la pratique et de voir ce que ça donne à l'usage. Parce que quand on lit, on peut croire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. À part ce qu'ils racontent, effectivement, qu'ils ont tout transféré à la base communauté. Donc là, c'est beaucoup plus clair sur tout le chemin qu'ils ont fait dans, dans ce dixième texte, cette dixième partie, à propos des pyramides et de leur usage et tradition. Conclusion de l'analyse critique des municipios et des assemblées de bon gouvernement. Donc c'est des fragments de l'entrevue avec le sous-commandant insurgé Moïsès, qui a été réalisé donc d'août à septembre 2023 dans les montagnes du sud-est mexicain. Tous ces textes, vous pourrez les retrouver après sur Internet. Il y a eu des traductions françaises qui ne sont pas encore arrivées au bout de tous les textes qui ont été envoyés et qui vont continuer sans doute encore à arriver, au moins peut-être jusqu'à la fin de l'année, ça se trouve. Mais en attendant, donc là, c'est le dixième. On connaît l'obsession des systèmes dominants tout au long de leur histoire pour sauver l'image des classes ou des castes dominantes vaincues. Comme si le vainqueur se préoccupait de neutraliser l'image du vaincu, ignorer sa chute. Dans l'étude des vestiges de la civilisation, de la culture vaincue, l'accent est généralement mis sur les grands palais des souverains, les constructions religieuses de la haute hiérarchie et les statues ou monuments que les dominants de l'époque faisaient faire d'eux-mêmes. Ce n'est pas toujours avec un véritable intérêt anthropologique ou archéologique que sont étudiées les pyramides, par exemple. Leur sens architectonique religieux, parfois aussi scientifique, est ce que les brochures touristiques et les programmes politiques de tous bords appellent la splendeur du passé. Il est naturel que les différents gouvernements se concentrent, non pas sans soupir de désir, sur les rois et les reines. Les grands palais et les pyramides peuvent être désignés comme référence de l'avancée scientifique de ces époques, de l'organisation sociale et des causes de leur essor et de leur déclin, mais aucun souverain n'aime voir son avenir se refléter dans le passé. C'est pourquoi il déforme l'histoire passée, il est possible de reprogrammer des fondations de villes, d'empires et des transformations. Ainsi, sans le savoir, chaque selfie qu'ils se font sur les sites archéologiques cache plus qu'ils ne montrent. Là-haut, le vainqueur d'aujourd'hui sera le vaincu de demain. Mais s'il n'est pas fait mention du fait que ces constructions ont dû avoir leurs concepteurs, leurs architectes, leurs ingénieurs et leurs artistes, on mentionnera encore moins la main-d'œuvre, c'est-à-dire les hommes et les femmes sur le dos desquels, à plus d'un titre, ont été érigées ces merveilles qui fascinent les touristes du monde entier pour tuer le temps avant d'aller en boîte, au centre commercial et à la plage. De là à ignorer le fait que la descendance de cette main-d'œuvre est encore bien vivante et agissante avec sa langue et sa culture, il n'y a qu'un pas. Les autochtones qui ont construit par exemple les pyramides de Teotihuacan et de la région Maya du sud-est du Mexique existent, c'est-à-dire résistent, et ajoutent parfois à leur résistance cette composante subversive qu'est la rébellion. Dans le cas du Mexique, les différents gouvernements préfèrent cantonner les autochtones au rang d'artisanat vivant, voire à titre de chorégraphie à leur convenance. Le gouvernement actuel ne représente aucun changement à cet égard. Enfin, pas seulement à cet égard, mais là, ce n'est pas la question. Les peuples autochtones continuent d'être l'objet d'aumônes, cette aspirine pour effronter, de récupération électorale, de curiosité artisanale et de points de fuite pour ceux qui administrent la destruction en cours. Je vais détruire ta vie, c'est-à-dire ton territoire, mais ne t'inquiète pas, je conserverai les pyramides de ceux qui ont exploité tes ancêtres, ainsi que ces choses amusantes comme tes façons de parler, de t'habiller et de faire. Cela dit, cette image de la pyramide, la pointe supérieure étroite et la base inférieure large, est à présent utilisée par le sous-commandant insurgé Moïsès pour nous expliquer un peu ce qu'a été le travail analytique féroce et implacable, à mon avis, des municipios et des conseils de bon gouvernement. Le capitaine. Un peu d'histoire, pas beaucoup, juste 30 ans. Les municipalités autonomes rebelles zapatistes et les conseils de bon gouvernement n'ont pas eu de défaut. Il faut se rappeler comment nous en sommes arrivés là. Pour les peuples zapatistes, ils ont été comme une école d'alphabétisation politique, une auto-alphabétisation. La plupart d'entre nous ne savaient ni lire, ni écrire, ni parler espagnol. En outre, nous parlons des langues différentes. Ce fut une bonne chose car ainsi notre idée, notre pratique ne sont pas venues de l'extérieur. Au contraire, nous avons dû chercher dans nos propres têtes, dans notre histoire, en tant qu'indigènes, dans notre mode, quoi. Nous n'avions jamais eu l'occasion de nous gouverner nous-mêmes. nous avons toujours été gouvernés. Avant même l'arrivée des Espagnols, l'Empire aztèque que le gouvernement actuel aime tant, parce que ce truc des petits chefs leur plaît bien, je crois, a opprimé beaucoup de langues et de cultures, non seulement dans ce qui est aujourd'hui le Mexique, mais aussi dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique centrale. Nous nous trouvions dans une situation de mort et de désespoir. Nous avons été coupés de tout. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, aucun interstice. C'était comme s'ils voulaient nous étouffer. Nous avons donc dû, en quelque sorte, ouvrir une brèche dans ce mur qui nous enfermait et nous condamnait. Comme si tout n'était que ténèbres et qu'avec notre sang, nous allumions une petite lumière. C'est ce que fut le soulèvement zapatiste, une petite lumière dans la nuit la plus sombre. Après, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes ont demandé un cessez-le-feu et des pourparlers. Les gens des villes savaient déjà ça. Il était arrivé à beaucoup d'entre eux la même chose qu'à nous, à savoir que les gouvernements ne tiennent jamais leurs promesses, et ils ne le font pas parce que les gouvernements sont les principaux oppresseurs. Nous devions donc choisir entre attendre qu'ils agissent un jour ou chercher de notre côté à nous. Et nous avons choisi de chercher notre propre voie. Et nous avons dû nous organiser pour cela. Pendant 10 ans, nous nous étions organisés et préparés pour le soulèvement armé de 1994, pour mourir et tuer quoi. Et puis il s'est avéré que nous devions nous organiser pour vivre. Et vivre, c'est la liberté et la justice, et pouvoir nous gouverner nous-mêmes en tant que peuple, et non comme des petits-enfants auxquels les gouvernements, tels que les gouvernements nous voient. C'est là que nous est venu à l'esprit qu'il fallait faire un gouvernement qui obéisse, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas ce qu'il veut, mais qu'il se conforme à ce que disent les pueblos. En d'autres termes, commander en obéissant, mot maintenant plagié par les effrontés d'aujourd'hui. Avec les municipalités autonomes, nous avons donc appris que oui, nous pouvons nous gouverner nous-mêmes. Et cela a été possible parce que de nombreuses personnes nous ont soutenus avec des intérêts pour trouver le chemin de vie. En d'autres termes, ces personnes ne sont pas venues pour voir quoi en tirer, mais bien s'engager dans un projet de vie. Certaines voulaient nous dire ce que nous devions faire, mais nous n'avons pas pris les armes pour changer de patron. Il n'y a pas de bon patron. Mais il y a eu d'autres personnes qui, oui, ont respecté notre pensée et notre manière. La valeur de la parole. Lorsque nous obtenons ce soutien, c'est comme un engagement que nous prenons. Si nous disons que nous avons besoin d'aide pour construire des écoles et des cliniques, pour former des promoteurs de santé et d'éducation, pour donner un exemple, bien nous devons nous y tenir. Nous ne pouvons donc pas dire que c'est pour une chose et l'utiliser pour une autre. Nous devions et nous devons être honnêtes, car ces personnes ne viennent pas pour nous exploiter, mais pour nous encourager. C'est ainsi que nous voyons les choses. Nous devons donc supporter les attaques et les saloperies des mauvais gouvernements, des propriétaires terriens, des grosses entreprises qui nous testent encore et encore pour voir si nous tenons, ou alors si nous allons céder à une provocation pour nous accuser et dire des mensonges, ou de vouloir aussi le pouvoir et la thune. Et ce truc du pouvoir, eh bien, c'est comme une maladie qui tue les bonnes idées et qui corrompt. C'est-à-dire qu'il rend les gens comme malades. Et voilà qu'une personne qui semble être une bonne personne, eh bien, avec du pouvoir, la voilà qui devient folle. Ou peut-être qu'il était déjà fou et que le pouvoir a mis comme son cœur à découvert. Nous pensons donc que nous devons organiser, par exemple, notre santé. Parce que, bien sûr, nous avons vu et voyons que ce que fait le gouvernement est un grand mensonge qui ne sert qu'à voler et qu'il se fiche que les gens meurent, surtout s'ils sont indigènes. Et il est arrivé alors que quand nous ouvrons une brèche dans le système et que nous y jetons un coup d'œil, eh bien nous voyons beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens nous voient aussi. Et parmi ces gens, il y a ceux qui nous ont regardés et qui ont pris le risque de nous aider et de nous soutenir. Parce que si ça se trouve, on était des menteurs et on n'allait pas faire ce que nous disions. Mais bon, ils ont pris le risque et ils nous ont poussés à nous engager. Là-bas, tu vois, dans les villes, la parole n'a pas de valeur. Ils peuvent dire une chose une minute et la minute d'après, ils disent le contraire. Et tout cela, comme si de rien n'était, calmement. Il y a par exemple ce qu'on appelle la mañanera, où on dit une chose un jour et le lendemain son contraire. Bon, ça c'est en référence à une petite allusion, une matinale télévisée avec López Obrador, on passe. Enfin bref, donc ces gens qui nous soutiennent donc, et nous avons commencé petit à petit avec la médecine préventive. Comme nous avions déjà récupéré les terres, eh bien nous avons amélioré notre alimentation. Mais on avait besoin de plus que ça, alors la santé. faut récupérer les connaissances de l'herboristerie, mais ça ne suffit pas. On a aussi besoin de la science. Et grâce aux docteurs et aux doctoresses, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est comme des frères, se sont rendus disponibles et nous ont guidés. C'est comme ça que sont nés ou se sont formés les premiers formateurs de santé, c'est-à-dire ceux qui préparent les promoteurs de santé. Et puis il y a aussi l'éducation, surtout la Castille, parce que pour nous l'espagnol est très important. Parce que c'est comme le pont qui nous permet de communiquer entre nous et de nous comprendre entre langues différentes. Par exemple, si tu parles tzeltal, eh bien tu vas batailler pour communiquer en langue tchol, en tzotzil, en torolabal, zoc, mahamé ou en quiché. Alors il faudra apprendre l'espagnol. Et les écoles autonomes sont très importantes pour ça. Notre génération, par exemple, parle un mélange de langues et d'espagnol. Pas trop bien, quoi. C'est un peu de travers. Et il y a des générations de jeunes qui ont appris dans les écoles autonomes et qui savent mieux la Castilla que certains habitants des villes. Et donc, c'est comme si une avancée en amenait une autre. Et en peu de temps, ces jeunes en veulent plus, apprendre plus. Nous avons donc organisé notre santé dans chaque village, chaque région, chaque zone. Et nous progressons dans chaque domaine de la santé, sage-femme, plantes médicinales, huesero, laboratoires, dentistes, ultrasons, entre autres, et il y a des cliniques. Et pareil pour l'école, c'est-à-dire l'éducation. Nous disons école parce que l'éducation, les adultes, nous en manquons aussi. C'est très large pour nous ce que nous mettons dans l'éducation. Ce n'est pas seulement pour les enfants et les adolescents. Nous organisons en plus le travail productif parce que nous avons de la terre maintenant, celle qui était aux mains des grands propriétaires avant. Et nous travaillons ainsi en famille et de façon collective la milpa, le champ de haricots, de café, les potagers, les animaux. Avec un peu de bétail, mais bon, plus pour les urgences économiques et les fêtes. Le travail collectif a permis aux compañeras une indépendance économique, ce qui a entraîné bien d'autres choses. Mais de celles-là, elles, les compañeras, en ont déjà parlé. Une école, c'est-à-dire que nous avons, comme on dit, appris à nous gouverner nous-mêmes. Et ainsi, nous avons pu écarter les mauvais gouvernements et les organisations, soi-disant de gauche, progressistes et je ne sais quoi encore. 30 ans à apprendre ce que signifie être autonome, c'est-à-dire que nous nous autodirigeons, que nous nous autogouvernons. Et cela n'a pas été facile, car tous les gouvernements qui se sont succédés, PRI, PAN, PRD, PT, Verde, Morena, n'ont pas perdu l'envie de nous détruire. C'est pourquoi, tout comme pendant les gouvernements précédents, pendant celui-ci, il a été dit que nous avions disparu, que nous avions fui, qu'il n'y avait plus de zapatistes. Mais tu vois bien, nous sommes là, en résistance et en rébellion. Et la chose la plus importante que nous avons appris dans les MARES, les municipios autonomes, c'est que l'autonomie ne se fait pas dans la théorie, en écrivant des livres et en faisant des discours. Elle se fait dans l'action. Et nous devons le faire nous-mêmes, en tant que pueblos, et ne pas attendre que quelqu'un vienne le faire pour nous. Tout cela est, disons, le bon, une école d'autonomie pratique. Et les conseils de gouvernement était aussi très important parce qu'avec eux, nous avons appris à échanger des idées de lutte avec d'autres frères du Mexique et du monde. Là où on a vu qu'il y avait du bon, on l'a pris. Et là où on a vu qu'il n'y en avait pas, on l'a écarté. Certains nous disent que nous devons obéir et faire comme ils disent. Mais depuis quand on ferait ça alors qu'on a mis notre vie en jeu? C'est ce que nous valons, notre sang et celui des générations précédentes et à venir. Nous ne sommes pas là pour que quelqu'un vienne nous dire ce que nous avons à faire, même s'il se vante d'être très connaisseur. Avec les juntas, nous avons appris à nous retrouver et à nous organiser, à réfléchir, à donner notre avis, à proposer, à discuter, à étudier, à analyser et à décider par nous-mêmes. Donc, en résumé, je te dis que les municipios et les juntas nous ont servi à apprendre que la théorie sans pratique n'est que du blabla et que la pratique sans la théorie, tu marches à l'aveugle. Et comme il n'y a pas de théorie de ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuel ou de livre, bien alors nous avons aussi dû faire notre propre théorie. C'est en trébuchant que nous avons fait la théorie et la pratique. Je crois que c'est pour ça que les théoriciens et les avant-gardes révolutionnaires ne nous aiment pas beaucoup. Parce que nous ne leur avons pas seulement pris leur boulot, nous leur avons aussi montré que les mots sont une chose et que la réalité en est une autre. Et nous voilà, nous, les ignorants et les arriérés, comme ils disent, qu'on ne pourrait pas trouver le chemin parce que nous sommes des paysans. Mais nous sommes là, et même s'ils nous nient, nous existons. Pas moyen autrement. La pyramide. Maintenant vient le mauvais côté. Ou plutôt que mauvais, c'est ce qui s'est arrivé. c'est ce qui s'est avéré ne plus être utile pour ce qui est à venir, en plus des erreurs en soi. D'après ce que tu me dis, comme tout cela a commencé, c'est-à-dire comment c'est arrivé dans nos têtes, on vous le dira plus tard. On verra à ce moment-là. Le problème principal, c'est la maudite pyramide. La pyramide a séparé les autorités des pueblos. Les pueblos et les autorités se sont éloignés les uns des autres. Les propositions des autorités ne descendent pas telles quelles dans les pueblos. Et les avis des pueblos ne parviennent pas non plus aux autorités. À cause de la pyramide, beaucoup d'informations, d'orientations, de suggestions, de soutien aux idées expliquées par les compañeras et compañeros du comité clandestin révolutionnaire indigène ne sont pas complètes. Le conseil de gouvernement ne les retransmet pas de manière exacte. Et la même chose se produit lorsque les autorités des municipalités autonomes sont informées, puis lorsque les municipios autonomes informent les assemblées des autorités des pueblos. Et enfin, lorsque les autorités des pueblos divulguent l'information dans chaque village. Beaucoup de coupures et des informations ou interprétations ou des ajouts qui n'étaient pas là à l'origine. Et beaucoup d'efforts ont été faits pour former les autorités. Et tous les 3 ans, elles s'en vont. Et de nouvelles arrivent. Et la base principale, les autorités des pueblos, qui ne se préparent pas, c'est-à-dire qu'on ne forme pas de relève. Nous avons dit collectif de gouvernement, mais cela n'a pas été entièrement respecté. Le travail a rarement été fait de cette manière. Ou plutôt, c'est cette manière qui n'a pas été respectée, tant dans les municipios que dans les assemblées de bon gouvernement. Les autorités comme les municipios et les juntas sont tombées dans le piège de vouloir décider des tâches et des décisions à prendre. Elles ont voulu laisser de côté les 7 principes du commander en obéissant. Il y a eu aussi des ONG qui voulaient à tout prix que soient acceptés les projets qu'elles apportaient et des personnes qui venaient en visite, qui se faisaient des amis dans une famille ou un village et qui envoyaient de l'aide à elles seulement. Des visiteurs qui voulaient carrément nous diriger, nous traiter comme leurs serviteurs. Et donc nous devions leur rappeler avec beaucoup d'aimabilité que nous sommes apatistes. Il y a également eu dans certains municipios une mauvaise gestion des ressources. Mais donc là, ça a été sanctionné. Enfin, en bref, il est apparu que la structure suivant laquelle on gouvernait en pyramide n'était pas la voie à suivre et elle n'est pas d'en bas mais bien d'en haut. Et si le zapatisme n'était que le ZDN, c'est-à-dire l'armée, il serait facile de donner des ordres. La chose militaire ne doit servir qu'à la défense. La pyramide est peut-être utile pour les militaires, mais pas pour les civils. C'est ce que nous voyons. Une autre fois, nous raconterons ce qu'il en est au juste de la situation ici au Chiapas. Mais pour l'instant, nous disons seulement qu'elle est la même que partout ailleurs. Elle est encore pire que les dernières années. Aujourd'hui, les gens sont tués dans leur maison, dans leur rue, dans leur village. Et il n'y a pas de gouvernement qui voit et écoute les demandes des pueblos. Et ils ne feront rien parce que ce sont eux les criminels. Et ce n'est pas tout, nous avons déjà dit qu'on peut voir de nombreux malheurs qui vont arriver ou qui sont déjà là. Et si tu vois qu'il va pleuvoir ou que les premières gouttes tombent déjà et que le ciel est aussi noir qu'une âme de politicien, eh bien tu prends ton impère et tu cherches un endroit où te mettre. Le problème, c'est qu'il n'y a nulle part où te protéger. Tu dois construire ton propre abri. Le fait est que nous avons vu que les marais et des CBG, il ne sera pas possible de braver la tempête et que nous avons besoin que la déni, celle qui va être née dans 120 ans, grandisse et vive, et que naissent et vivent toutes les 7 autres générations. C'est à cause de cela et du reste, nous avons entamé une grande série de réflexions et nous sommes arrivés à la conclusion que la seule chose qui nous restait, c'était une grande discussion, une analyse entre tous les pueblos sur la façon d'affronter la nouvelle et mauvaise situation et en même temps sur la façon dont nous allons continuer à nous gouverner. Des réunions et des assemblées ont été organisées zone par zone jusqu'à parvenir à un accord. Et donc, nous devons nous organiser d'une manière différente. Bien entendu, cette proposition ne se limite pas à une réorganisation. C'est aussi une nouvelle initiative, un nouveau défi. Mais je crois que c'est ce que nous dirons après. Et donc, en général, sans trop compliquer les choses, les marais, les municipios et les juntas ont été utiles, et très utiles même lors de cette étape. Mais maintenant, vient un autre pas et ces vêtements sont déjà trop courts, trop pelés. Et ils se déchirent et même si tu les raccommodes, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, il ne restera plus qu'un morceau de tissu. Alors ce que nous avons fait, bien, c'est couper la pyramide, nous avons ratiboisé la pointe, ou plutôt nous l'avons comme retournée et mise à l'envers. Célébrer le passé ou le futur, nous devons continuer à marcher en pleine tempête. Mais nous sommes déjà habitués en tant que pueblos à cheminer alors que tout est contre nous. En décembre et en janvier prochain, nous ne célébrerons pas les 30 ans du soulèvement. Pour nous, chaque jour est une célébration parce que nous sommes vivants et en lutte. Nous allons célébrer le fait que nous avons entamé Un chemin qui nous prendra au moins 120 ans, peut-être plus. Cela fait déjà plus de 500 ans que nous sommes sur les routes. Nous n'en avons donc pas plus pour très longtemps. À peine un peu plus d'un siècle. Et ce n'est plus si loin. C'est comme le dit José Alfredo Jiménez, là, juste derrière la petite colline, depuis les montagnes du sud-est mexicain. Alors, si vous avez envie de vous replonger, de relire, de lire les autres, etc., vous pouvez consulter le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Il y a aussi le site d'Enlace Zapatista. Vous pouvez trouver aussi plein d'autres documents. Et surtout, on espère vous retrouver. Donc, la prochaine émission, évidemment, troisième lundi du mois, à 19h en direct. Mais sinon, le 12 janvier donc 2024, à l'Aéry, à Montreuil, à partir de 18h, il y aura une cantine, des photos, des lectures, des discussions, de l'artisanat à vendre, etc., etc. Et le 14 au CICP, pour un concert CCC avec les bénéfs pour les prisonniers politiques au Mexique. Merci, un salut à Jolie Môme qui se sont fait expulser lâchement et la Lucha Sigue, on s'en... Ben voilà, on vous quitte. À très bientôt. Merci. Ciao.